L'autre obscénité de Nathanaël Flammant. Ornella, un an avant, je pris sa main liquide et elle dit « Ornella, j'ai fini. » Qu'une prostituée de 17 ans, sortie d'un rêve, se retrouve devant moi, minée déjà jusqu'au désert, dans l'éclairage blanchi de ma chambre, cette nuit-là, ne dira jamais rien du son et de la sensation qui torture depuis ma poitrine, la cuisson du cœur dans son sang. Cette main, cette voix, si son enfoncé et travaille. Que cette prostituée fut ma femme, que j'ai dû contraindre ma femme au point de refus sans fin que cache la perversité du couple à se faire payer pour s'offrir. Nue perdue, enfin, dans le désespoir d'une énigme, d'une dévoration effarante, à même l'odeur ou le cri des yeux, d'un tremblement à la racine. Que ma femme en effet eut l'âge d'être ma fille, ou que j'ai joui à me hanter, jusqu'à la jalousie de moi-même, d'un inceste secret, avec l'image violée d'une adolescente, que ma fille, pour me tuer quittée, au plus intense de la captation, ait ouvert son cul au premier venu, me laissant seul devant la glace, dans une douleur horrible, cela, jamais, ne dira rien. À cet instant du son et de la sensation, à cet instant seulement, je n'ai plus su qui elle était. Je n'ai pas reconnu mon double. Journal du bord d'elle. À Florence. C'est une pauvre chose, pleine d'égarements, une errance, une erreur. Je te la donne pourtant, pour cela, parce que c'est l'humain, et que celui-là, ce petit bonhomme a eu mal, plus que beaucoup n'auront jamais. Il a eu mal à lui, mal à l'homme, dans la misère de l'homme sans joie. Il a confié ça, à toi aussi, toi d'abord, puisqu'il n'y avait que toi. Que tu vives sans moi et ne me désires plus, ce fait-là, si commun, est l'effarante blessure. J'ai pu si peu la dire, mais j'ai vécu bord à bord avec elle. Pour pleurer. 11 février, 1h13, mettons, je suis chez moi, je dors, dans un bar où ils parlent du couple, soudain, ma femme se tait, regarde l'homme, approche sa bouche, il se suce la langue. 1h50, mettons, je rêve, je la vois nue, dans des draps gris. Elle me tourne le dos. 2h17, mettons, dans un lit de l'hôtel machin, il éjacule dans mon temple. La ruine commence. 29 mars. Aujourd'hui, après un anniversaire de désolation et 6 ou 7 semaines d'effondrement sans répit, j'ai consenti à ne plus lutter contre son image. Je ne cherche plus à l'oublier, la dépasser. En de nouveaux assauts de larmes, j'ai senti, un moment, la grâce, si peu commune, de vivre une profondeur si intense. La grâce de pouvoir s'offrir à la perte la plus vive. Étouffé par la peur de mon intensité, après m'avoir progressivement refusé jusqu'à me tromper et me quitter. Elle ne donne plus signe. Elle se protège. Elle ne pouvait pas autrement. Elle n'est pas une femme de passion, de frisson. Ce n'est pas l'heure. Elle ne souffre pas assez de souffrir. C'est ainsi. Elle est ainsi aujourd'hui. Mais je continue de m'offrir, seul, de plus en plus désarmé, le cœur ouvert à je ne sais quoi. Et la saveur de je ne sais quoi vient doucement, au milieu de toute cette violence, une fontaine de souffrance. De souffrance, mais une fontaine. Peu m'importe d'être en son pouvoir. On ne se démet pas d'un pouvoir, qu'il soit subi ou exercé. On ne l'abdique pas, quoi qu'elle en croit. On le refoule tout au plus, au nom du cœur ou de l'esprit. Au fond, on en est terrifié. Mais le pouvoir est là, et il a son intelligence, sa force active. Dès que je l'ai rencontrée, je me suis proposé l'expérience d'un pouvoir. Elle a mis 3 ans à sentir ce dont j'avais, dès le début, conscience, son propre charme, à la mesure pour moi d'une énigme, où j'ai plongé sans retenue. Pourquoi, au nom maintenant de la rupture, de la blessure, pourquoi me fermerais-je, comme les adolescents après leur premier amour, à la force, à la vie de cette expérience, de cette épreuve, qui est celle aussi de la haine, du mal dans tous les sens? Je suis mûr pour faire le voyage de ce qu'on nomme l'amour humain, c'est-à-dire du désir, et c'est aujourd'hui encore avec elle, et elle seule, en moi. Elle me hante, m'habite, me possède. Je voyage donc avec son image. Vers où? Dans ce « vers où » ne serait-ce pas l'offrande inconnue? Laisse-toi pleurer chaque jour, chaque fois que tu ressens ce « plus jamais ». Combien vraiment peuvent l'entendre déchirer leur être? Chaque fois que ton cœur crie « j'ai perdu ma fille », elle croit, même si elle croit m'entendre, tout le monde croirait que c'est une façon de parler, non? J'ai perdu ma fille. Je l'éprouve davantage que beaucoup de pères en murés. S'il faut parler des liens du sang, les seuls que le monde reconnaisse, la perte est plus aiguë qu'à la mort de ma mère. Et les liens du sang ne sont pas premiers pour le cœur. Elle est ma fille, née en moi de mon cœur, de l'esprit de mon cœur, et ma nature en est, à jamais, dépossédée. N'est-ce pas toujours, même dans les liens du sang, au nom desquels on confond tout, notre nature, notre désir, qui se vit comme dépossédé? Ainsi je vis cela, à la profondeur où je suis ouvert, poreux, transperçable. Tout est là, en fait. J'ai perdu ma fille. Et puis, m'y offrant toujours davantage, où me mène son image? Cet inconnu, n'est-ce pas précisément la merveille? La merveille n'est-elle pas déjà, devenant sans cesse, dans l'horreur et les larmes qui taillent la crypte de mon cœur? Si la joie m'attend, inattendue, comme un joyau dans l'écrin du deuil, mon cœur, un minuscule rubis, mais si intense que dans la nuit, l'altitude devient rose. Rose, elle aussi, quand elle m'apparaît un éclair dans des rêves. Ce jour fini, je ne repousserai pas son image, je ne lui refuserai rien. J'espère avoir la force d'être l'enfant. Sans honte de répéter, mon cœur. Un merci éternel à elle de m'avoir écrit, dans ses derniers mots, « Tu es le cœur ». Reconnaissance tant espérée, qui m'aimante en silence. 30 mars. Je me lève ravagé, miné par son absence, comme tous les matins. J'espère encore craquer en larmes, comme toutes ces dernières semaines, pour respirer. Je me dis comme souvent qu'elle n'aura pas pleuré une fois. J'ai toujours attendu de lui manquer vraiment, de ce manque qui réveille le feu, attise l'élan véritable, bouleversant pour soi, et je l'attends encore, certainement, un jour, dans la séparation, sur quelque plan que ce soit. Mais il faudrait quoi? Qu'il lui arrive quoi? Quel accident ou quel vertige dans son existence qu'elle ne pense qu'à reconstruire? Je comprends cet irréversible, la vanité de mon attente, le nécessaire pour mon passage de ma déception jusqu'au bout, mais je le sens, là où elle est, même si c'est difficile. Elle ne souffre pas à pleurer. Cette séparation la soulage, presque la débarrasse, de même, en quelque sorte, qu'elle n'était pas jalouse, ou peu, apparemment, des autres femmes. Pourquoi? Parce qu'une autre jalousie la tenait, obscure, inabordable, la jalousie de ce que je suis. Et c'est moi qu'il fallait expulser. Cette rage viscérale va durer, en même temps que sa gratitude. Plus tard peut-être elle sentira de moi, mais en elle, les nourritures lumineuses, l'émotion vibrante, l'arôme secret, et que cela n'était pas moi. Mon dernier pouvoir, au même nid d'ailleurs que mon sentiment et mon consentement, c'est de ne rien manifester, de me tenir muet, dans une énorme contrainte, de tenter ce que je n'ai jamais pu avec elle, la laisser face au vide. Si mon absence fait vide, et non seulement absence. J'ai été le vent, la forêt, le feu. Il me reste à être la montagne. Ne plus bouger. Ce que je risque, c'est, comme jamais, de contempler l'ombre et la terreur du trou, du plein vide dont elle semblait le dernier rempart. Je vais te demander un oui énorme, m'avait dit une voix quelques jours avant qu'elle m'annonce d'un seul coup la trahison. Qui trahit qui? Et la fin d'une liaison. À l'instant où j'écris ces mots, surgit l'image de Julianne Moore dans le film qui porte ce titre, la beauté érotique de cette femme s'offrant tout entière, inondée, embrasée, les cuisses soyeuses et folles comme son souffle, dans le lit d'une chambre sous les bombes. Et mon désir brûle encore, plus haut, à la mesure de mon regret lucide. Elle m'a bouleversé comme jamais. Énigmatiquement, mais elle n'est pas la femme de mon frémissement, de mon ardeur. La dernière fois que je l'ai prise, je me sentais la force et la douceur d'un ange. J'ai cru que ça commençait. C'était la fin. Le début pour moi d'un ailleurs, qui n'est pas le sien, où elle n'est pas. À travers le rêve et la perte d'elle, c'est cette passion encore non vécue qui me torture. Et prend la forme aussi, maintenant, d'une passion sans autre. Se vivre, c'est consentir au risque de l'intensité qui nous veut, pour ce qu'elle veut. Je respire un peu. 10 minutes. J'ai cherché des mots pendant 2 heures pour respirer 10 minutes. C'est comme le sexe. La loi implacable de l'inassouvi. C'est pourquoi l'humain passe son temps à faire. Toute la chienlit est là. Je sens. Je crois que je lui manque. J'exige de croire que je lui manque. Sinon, que reste-t-il de moi? Partout, même charnellement, même si elle a déjà recouché avec cet Éric ou un autre, la tyrannie du manque du sexe est si souterraine. Manque affectif, dit-on, tu parles, manque animal. Allez donc déraciner ça, etc. et torture continue. Je lui manque certainement, mais compte tenu du fait qu'elle ne peut rien me donner, ni cœur, ni sexe, sinon, comme elle dit, elle replonge, compte tenu surtout de ce qu'elle doit foncer ou essayer de foncer dans sa nouvelle vie, et aussi, quand elle se sent mal, de la hargne qui doit remonter, cherchant un bouc émissaire, moi, ce que je lui ai fait soi-disant subir. Toute la pensée fonctionne ainsi. Rien, donc, sauf quelque chose qui la déborderait, ne peut la pousser à m'appeler, m'écrire ou me rencontrer. Elle aussi, elle est coincée, de l'autre côté du même mur. Comme c'est bien fait, le mystère de ce qui se veut. Elle ne peut rien. Si elle pourrait m'envoyer des mots qui avoueraient que je lui manque, refrain de la blessure. Cela me ferait du bien, relativement. Mais, au fond, ce serait perdre son pouvoir, se défaire du mutisme qu'elle a longtemps gardé. Tu me manques. Combien de fois ne lui ai-je pas crié, violemment, doucement, en larmes, en silence? Dire cela la désarmerait. Un peu, mais vraiment. Alors que sa décision d'abdiquer son pouvoir, durcissant ce mutisme qui est son pouvoir, ne fait que le maintenir, et le pouvoir le sait, à son insu à elle, il sait comment ne pas céder, il est l'orgueil même, la dureté où elle doit rester, dans le miroir du monde, cela se passe au fond. Ce fond si difficile à toucher, à assumer, qui manipule tous les rapports humains. Et si elle m'écrivait, elle me tiendrait encore, on n'en sort pas. Puis si elle avouait, tu me manques, à qui cela ferait-il du bien relativement? À mon personnage de pouvoir, à la crochet de l'écorchure, au désir en moi qui délire, je cherche un être à envahir. Bref. Relation ou séparation, c'est pouvoir contre pouvoir, au fond. À notre insu, et selon un pli pris dès le début. Ici, en gros, dans notre structure de couple, car tout couple est figé comme une structure, aucun des deux ne changera jamais, sauf l'implosion du sol. Ici, entre nous, je l'attends. Elle se tait. Ce couple était pour qu'elle s'oppose, se pose, et pour que je me fronde, m'effondre. Elle se devait de me quitter. Je me devais de me brûler. Elle pour entrer au monde, moi pour y mourir. Tout est mal dit, mais tout est bien. En fait de couple, elle a toujours rêvé d'autre chose, disons, une sécurité vitale affective, un couple social évolué. Moi aussi je rêve d'autre chose, disons, une pénétration de l'ardeur, un couple alchimique. Continuons donc à rêver, l'un sans l'autre, à différents degrés de cuisson. Il n'y a qu'un seul homme, n'est-ce pas, que le fait du feu mette à nu. Quand je dis feu, je ne dis pas feu, ni l'élément, ni le principe, je dis ce contre quoi tout s'échange, non plus. Je dis l'intenable. Hier, j'ai vu le cri d'Antonioni. Après 7 ans, une femme quitte un homme pour un autre. Au bord du meurtre ou de la perdition, il va errer sur les routes, occultement guidé par des rencontres de femmes, comme la loi du désir est montrée. Mais durant des mois, il ne pense qu'à elle. Un jour, à bout de vie, il retourne chez lui. Sa maison, à travers la fenêtre, il la voit tenant dans ses mains son nouveau-né. L'enfant d'un autre. Elle l'aperçoit, il fuit vers son ancienne usine, elle le poursuit, il monte à la tour déserte où il travaillait, il est en haut, elle en bas. Elle l'appelle, il la regarde, vacille, son corps tombe, s'écrase. Elle ne pousse qu'un cri. J'avais eu, peu avant la rupture, cette image d'elle avec un enfant, l'enfant d'un autre, un jour, dans une rue. J'en restais pétrifié, muet, les yeux clos, une autre mort. puis j'ai rêvé d'une femme mariée, ayant enfanté un fils qui ne ressemblait pas à son père, mais à l'image intime d'un amant de jadis. Un phénomène étrange qu'aucune science ne pouvait expliquer. Elle avait mis au monde, dans un enfant de chair, sa passion refoulée de moi. L'image cachée que je suis d'elle, de son futur vertige. Un beau thème de nouvelle fiction. Fiction? Un homme, un enfant, une vie quotidienne ensemble. Je ne rentrais pas dans son projet de vie. En effet, la pensée projette la vie, qui la brûle. J'étais arrivé au point, en tout domaine de l'existence, où on crie de ce cinéma cortical, cuisant jusqu'au dégoût dans la machine à rêve. Et je chute, je fuis, je crie, je tremble. Je pleure de pensée. Mars. Après moi, étape capitale sans doute, carrefour de son destin, accouchement de sa gravité, dans tous les sens, elle continue sa route. Sa vie est horizontale, la mienne est une falaise, aujourd'hui. Elle, sa perte, m'a mené à quelque chose d'un bout du monde. Ce qui s'écroule, ce promontoire d'immaturité que je portais, qui me séparait d'un vrai sceau. Ce qui se lève n'est pas le jour, mais le délire des précipices. En un mois, elle m'a effacé, traversé, dépassé vers son propre avenir. En une seule nuit, peut-être. La nuit où, pour me quitter et ne pas mourir, elle s'est laissée pénétrer la bouche et le sexe par la langue et le pénis d'un autre homme. Je renonce à redire ici la torture que ces images m'ont infligée, des jours et des nuits durant. Un tel enfer ne se communique pas, on y est exposé ou non. Mais je sais aujourd'hui, par expérience, que tout être humain est fou de souffrance. Avec ou sans cette expérience, le fond humain en est tapissé. Et j'y renonce aussi, n'ayant pas assez de puissance pour en soutenir plus profond l'atroce mémoire. C'est le délire qui tue. Et encore parce que la clé n'est pas là. Vraiment. Dépossédé. J'aurais préféré qu'elle fût morte. Morte. Elle ne pourrait plus appartenir à un autre. Je posséderais encore le délire d'avoir été le dernier homme, donc le seul. Car c'est ainsi que nous fonctionnons. Personne avant moi. Et après moi le déluge. Mais non. Elle continue sa route. Délivrée de mon joug. Fraîche de son espérance. Forte de son pouvoir né de séduction consciente. Et dire. Vous savez bien qu'elle offrira à d'autres les manières érotiques que je lui ai apprises, et dira les mêmes mots, et de plus beaux encore. On connaît le sillon, sa grave, et moi donc. Autre niche de souffrance, ce « plus jamais », sur aucun plan visible, là où je vais, comme elle dit, dans ce brasier intérieur, on ne peut pas entretenir la fameuse amitié des anciens amants. Je serais si heureuse si un jour... Quoi ? Les mots de surface du monde, je serais loin. Mais maintenant, plus jamais. Le trou du trou. Intraduisible. Autre creux, à l'estomac, comme la littérature. Si elle lisait ces pages... Elle en serait à peine atteinte. Touchée, ça et là, pas atteinte. Même ma souffrance ne l'atteindrait pas. Pas plus qu'en ce dernier soir, chez moi, où elle me trouvait calmement, trop grand à la fois, et trop petit pour elle. Oui, et si la grandeur consistait d'abord, humainement, à épouser sa névrose, le délire du bébé martyrisé dans l'adulte de pierre. Mes éclats de souffrance, mes craquages, n'ont-ils jamais atteinte ? Elle était pour cela trop loin de sa folie et du cœur qui permet de la voir. Pour l'atteindre, il n'y eut à peu près que ma violence, énergétique, physique ou verbale. Cela, quoi qu'elle en croie, l'aura renforcée, Maintenant encore, si je voulais l'atteindre, il n'y aurait que la cruauté, celle qui maintes fois, depuis cette odieuse scène de rupture, a failli jaillir en retour. Psychiquement, je pourrais te traumatiser pour longtemps en trois phrases, d'une manière si simple que tu ne peux pas l'imaginer. Je sais exactement où viser. N'ai pas éjaculé ma douleur dans sa tête, maintenant qu'elle m'a chassé de son sexe, me violant, et de son cœur d'amante. L'épreuve de la haine. J'ai basculé des jours dans des bains de haine. Je la torturais en images. Une fois, sans le savoir, j'inversais les lettres du nom d'Éric, lui plantais par l'anus jusqu'au fond du ventre un cierge de cire, et j'allumais. Je continue, en effet, je continue. ETC. Et torture continue. L'avenir proche, là, sans doute, elle se ressaisit, travaille à son développement, personnel, intellectuel, elle le souhaitait, passe plus de temps avec elle-même et se fait de nouveaux amis. Jusque-là, ça va, mais, ah, ce mai, mais, bientôt, en mai, tiens, peut-être, que prévoit ton délire, mon cher Mazo? Eh bien, non, en juin, plutôt, en juin, fin de printemps. L'envers du grand lessivage, une période libertine pour elle, décevante, mais libertine. Séduction affranchie de son jaloux geôlier, sève et lune montante, soleil sur la peau. Ah, supplice, ce goût de sel solaire sur sa peau. Pourquoi pas s'envoyer en l'air, éprouver son charme tout neuf, avec, pas difficile, elle l'a déjà fait dans mon dos, 3 mois avant Éric, avec son pote Alain, pote au lait, avec un coquin, donc, de l'école de danse, et, pourquoi pas, un de ses élèves, maintenant qu'elle est professeur. Attention, petite, dit papa, les enjeux vitaux sont féroces. Je sais, tu aimerais bien oublier cette mauvaise histoire, mais... Attention au retentissement dans les rails de ta carrière, ton image est menaçante. Et fragile. Tentation, attention, attraction, du pénis, vagin j'y vais pas. Attends, dit papa. L'oiseau rare, c'est pour août, pour toute, la vie, comme toujours. Mais cette fois, ah, est-ce la bonne? En tout cas, dit papa, tu es prête à recevoir l'eau que tu veux, et il sera l'oiseau, il sera verso, signe d'air, cadeau kido, toi qui as tué Bill en plein vol, en plein cœur, te souviens-tu? Kill Bill, tu l'as voulu ce film, et tant voulu que je le vois, que je le vois. Voilà, de l'air, me disais-tu, c'est fait, en avant toute, c'est pour août, le vin, précisément, promesse de papa futé, de bâtard cocu. Et pourquoi pas, après, l'eau bénie, le mariage, jobard, seulement? On verra. Un souffrant fêlé pourrait lire l'avenir dans une boule de suie. Si cet avenir, dans son délire, est sa guillotine, sa veuve, comme dit l'argot, pourvu qu'elle soit bien limée, tranchante à discrétion, et qu'on ne doive pas m'achever à la hache d'ici là. Quel ton de con pour cracher son mal, hein? Une souffrance folle droguée d'oubli. L'humain. Et maintenant, dit l'enfant. Pareil, Balthazar, au hasard, est dans la purée. Et l'enfant dit à l'âne, sur le ton de « Oh, mais vous avez de l'eau sur la joue. Oh, mais il y a un trou dans la purée. » C'est tout. Poisson d'avril. Tu lis. Il ne se passe rien. Rien qui déchire. Tout ça, tu le sais. C'est déjà loin. Un homme fantôme. Tu n'as plus depuis longtemps la sensation même de sa peau, de ses lèvres. Il y eut des baisers si ivres, comme des colombes sauvages chutant au ralenti. Quel goût avait le sexe entre vous? Plus rien ne reste. Le désir est sans mémoire. Il file, poursuit un autre rêve, une autre proie. Mais si, maintenant, vous vous touchiez, nu, sans parler, sans vouloir croire que c'est fini, si vos mains, vos langues se mêlaient, maintenant, sans savoir. Juste le rapprochement, la chaleur, la saveur, l'abandon au manque, le contact de la blessure, l'intimité de vous soudain ressouvenue, ranimée, le calme froid ou triste de la distance tiendrait-il encore? La peur, n'est-ce pas? La déchirure est si profonde qu'on la souffre ou qu'on la recouvre. Des mots, en vain cette fois, les mots ne vérifient pas le désir. Mais si vous étiez nu de nouveau, la peur, n'est-ce pas? La défaite. Chaque relation est l'histoire d'un rêve. Chaque rêve, l'histoire du désir. Et le désir est l'histoire de la défaite. La déchirure est si profonde. Vivre et souffrir pour n'accomplir que l'histoire de la défaite. Et je meurs de ne pas mourir. Avril. Se termine une semaine passée seule, chez moi, sans aucune tâche à accomplir. Du lever au coucher, chaque jour, de minute en minute, je n'aurais pensé qu'à elle. Ainsi presque depuis 2 mois. Et ce fut si souvent ainsi pendant plus de 3 ans. Je peux dire que la pensée d'elle, le désir, m'aura possédé partout, ces derniers temps. Depuis ce soir si noir du début février, toutes mes ressources méditatives ont été réduites à misère par la souffrance et l'obsession. Ma seule force, sans laquelle par moments la folie m'aurait emporté, est de sentir suffisamment que ce tournis mental, ce broyage n'est pas moi, que la souffrance est l'acte d'un feu qui la brûle, et de consentir. Cela se fait comme cela se fait. Il n'y aurait rien d'autre à dire. C'est impensable. Impensable. C'est tout. C'est toi. Je vis ce que je dis de très loin, m'en approchant à pas infimes, à un prix sans mesure pour la pensée humaine. Ainsi j'irai toujours, toute ma vie, jusqu'où je peux. Aujourd'hui, j'en suis profondément triste, effaré, tourmenté. Ce que j'appelle le cœur est ce qui porte ça, ce qui porte et ce qui se penche au nord de ta nuit et la foudre lente qui traverse. Mais c'est autre chose, c'est plus simple. J'ai mal. Je pleure. Ne se sentir sans cesse qu'un pantin tronçonné. Ne refuser aucun tronçon. Ne pas pouvoir autrement. L'œil voit. Elle et toi, continuez. Ce n'était plus possible. La force des destins. Cette notion imbécile, ce qui se doit en l'un en l'autre, c'est bien, c'est ainsi, c'est. À aucun instant nul ne peut faire autrement. Le cœur se creuse dans le refus, impuissant, consenti, renversé parfois, de la perte absurde et heureuse. Il brille vers elle. Dès qu'apparaît en lui son image. Je tiens à toi, si doux, si fort. Pourquoi devrais-tu partir? Mais je ne pourrais t'aimer. Je ne pourrais aimer que défait du désir. Je suis du cri, du oui. Je ne suis dévoué qu'à la joie. Et le désir dit non, hurle, saccage, torture. Reviens, reviens, encore une fois, une seule fois. Il serait prêt à tout souffrir, encore, toujours, même à me faire mourir. L'empire de la fascination, de la damnation, pour une seule fois toujours impossible sans fin. Tu sais tout ça. Et moi j'y suis. Fin de semaine prochaine, elle fera signe, un message. Vérifier si pouvoir elle a toujours sur moi, même si ça a l'air d'autre chose. Elle dira peu, un hameçon. Le délire continue, protéiforme. Au-delà d'elle, mon cirque de ténèbres. Le décisif a lieu, le décès, par incandescence, épuisement. Aurais-je encore si peu souffert et si peu vu? Mais je veux me coucher ce soir avec ces mots d'aucune image, d'aucun mot, ce feu de tous les feux que je ne comprends pas. Rien ne sert à rien. Un plus un égale zéro. L'arithmétique est une erreur. 4 avril. Ma fille. Son visage. Une ressemblance. Une adolescence. Surtout, un souvenir d'il y a si longtemps. D'avant moi. En moi. Et cette éducation tout intime que j'ai semée en elle. Ce parfum l'habite désormais. Je fus le père du dedans. Celui qui fractura son sommeil de noyé, déchira le cocon social de sensiblerie, de caprice, de protection froide où elle avait baigné. Je fus l'assaut de son appel, le feu envahissant de cette exigence, le père qui répond, qui existe, celui qu'elle pouvait tuer. Ma fille, et son corps était ma mère, ses seins de volupté sous sa chemise blanche. Quand elle accueillait ma détresse, et nue, ils ont révélé l'affamée, l'infirme de la terre, le démon des limbes, l'enfant, le fou du ciel. J'ai tout désiré de son corps, tout m'a ému. À me sentir toujours à l'orée de ces mondes. Son corps m'a bouleversé. Cette nuit, dans la maison de mon enfance, on a frappé à la porte. J'ai cru que c'était elle. J'ai ouvert. C'était défiguré, amputé, le cadavre de ma mère. D'autres nuits, je marche sur la voie déserte, le sexe émasculé à la main. Quant au monde, à la femme, j'ai commencé de vivre comme si j'étais mort. Et quelque chose ne comprend pas. Cette rupture, je l'éprouve jusqu'à l'inadmissible. J'écris pour ne rien trouver. Pour me tenir d'elle à distance, bizarrement, objectiver l'enfer. Je n'ai pas la force de percer. J'écris en rond, pour ne pas être seul. Jamais je n'aurais cru que je ne pourrais plus supporter d'être seul. Oh Mai, Mai, je regarde tes yeux sans fin, et je ne te vois pas, je ne te vois pas. Il me semble que rien ne peut rompre le cercle de la hantise, sinon reconquérir, de moment en moment, la sensation de soi. Seule la souffrance peut m'y contraindre. C'est peut-être ainsi, et non pas, magiquement, qu'œuvre la grâce. 6 avril. Quelqu'un en prison dans les quartiers de haute solitude. Il suffit qu'un jour le temps se referme sur quelqu'un abattu, déchiré, pris dans l'étau de la grande douleur, l'angoisse abyssale du manque. Quelqu'un au fond de quiconque, quiconque, un jour, privé de la mécanique des projets, dépecé, à bout de quelque chose. Touchant le climat du désespéré, il vit soudain au bord de ses trous, crâne, orbite, tympan, narine, bouche, viscère creux, estomac, intestin, anus, vagin. Je ne pense qu'à toi. Ton image est un drapeau flottant sur ma tombe. Ta voix le grain de mon désert de sable. Tu sens le bois de ma maison brûlée. Tes lèvres, quand je veille, n'ont pas perdu le goût du vertige. La vésicule suppure, je peux à peine manger. Les boyaux rampent de te vouloir. L'anus rêve de te dire d'un coup au téléphone, je suis devenu pédé. Pensée de toi, pensée tout court, par tous les trous, vue entre quatre murs, dévoilée par intermittence, le charme de l'absence. Je, tu, il, nous, vous, vivent dans une chambre à gaz. Bouche, obsédée par la bouche, la tienne et mienne, ouverte sur elle-même, la double langue en transe, au ralenti, dans l'océan de salive, et le bâton ardent qui pénètre tout seul la bouche trempée d'en bas. Nous, tout entier une bouche, trou produisant le trou pour chassant l'extase, en t'introduisant par la bouche du trou l'autre langue d'une autre queue, en laissant souiller mon bord d'elle, l'arche de mon reflet, le foyer intime de mon âtre, tu as trouvé pour moi la solution finale. Moi, ton ex, terminé du jour au jour même, en une nuit de fornication. Avant, après, collé, coupé, l'os de moi s'écroulant à travers mon visage. Miroir maintenant, ma bouche, ma béante. Toi, moi, rêve du monstre. Ô homme, bouche inhumaine, fureur se créant, se dévorant, manque. Génération sans écho, sans origine, bouche à bouche. 7 avril, 1h. Je relis sa lettre de rupture. 2 mois après, sa voix y sonne si juste, au diapason de son présent. Je suis ému de cette clarté et sans voix de nouveau devant l'irréprochable, l'inévitable, la leçon des choses, à tel point qu'il me semble avoir radoté, dans mes pages, déformé ou crispé le jeu de nos contrastes, la loi de son trajet qu'elle décrit en nuances, nettement. Je n'ai pas voulu voir qu'elle était devenue, à devoir me quitter, bourgeon qui perce où je m'achève. J'ai écrit dans la crampe de cet achèvement, pour toi encore, pour te parler, pour ne pas te laisser partir. La perte me prend au ventre, j'attends les derniers mots, j'écoute toute la douleur, j'ai tant pleuré, les larmes s'arrachent du fond des yeux, les mots secrets, les mots simples, le cri silencieux du sanglot qui monte, invisible, comme dans le chant d'un cœur ouvert. Le feu s'éteint, déjà. Le puits. Je ne peux pas descendre. 8 avril, 1h. Écoute, c'est dans le puits. En un moment, il devrait faire nuit tout autour. Quelque chose d'elle conduit au puits, y flotte sans bouger. L'atteindre. Pourquoi ne l'atteindrais-je que par la cruauté? Là, je lui parle maintenant, elle lira, l'heure venue, lorsqu'elle lira, ce sera maintenant, elle lit, elle écoute, n'est-ce pas? Parle-lui, laisse-toi tomber jusqu'aux quelques mots, les seuls qui vont l'atteindre. Attends-les. Reçois-les comme une force neuve, une force inouïe, comme une force malgré toi, malgré elle, qui doit la faire revenir, car rien ne peut vous séparer. Une force incroyable. Le cœur, le désir, le cœur réuni ailleurs. 9 avril, 5 heures. Je dis, son image est partout. Je ne la vois pas comme dans le jour. Nulle lumière ne l'éclaire. Elle ne m'apparaît pas. Pourtant, son visage est là, immobile, sans expression définie, dans un profond crépuscule tout pâle. Souvent, il n'est même pas dessiné. Le charme de l'absence, en effet, la pensée. Son corps aussi est fantomatique, non pas une brume, une forme de fumée, mais un désir. Son corps est un désir, le désir sensible de ce corps-là, encore. Ma bouche, ma main, autre bouche, désirant saisir le souvenir sans fond de cette saveur-là, c'est une sensation de soif et de faim, une énigme insatiable, en amont du mot et de l'image de mère. Son corps est-il ma mère, et le désir de ma bouche? La mécanique du désir est-elle celle de la bouche humaine, le produit de cette anatomie, organique et subtile? Un tunnel en tout cas, d'où on ne sort pas, le désir creusant le désir pour résister en le fantasmant au vide. Nous avons toujours été séparés. Notre séparation telle que je la souffre ravive et révèle cette plaie. La séparation. Et ma bouche qui ne touche plus continue de sucer toute seule. Je se suce sans toi. S'il ne se dissout dans le vide, il cherchera un autre corps à rêver, puis à tuer ou à perdre. Prochain voyage, au fond le même enfer, le désir projection sur l'autre, de la pensée de jeu, jusqu'à l'asphyxie. Si tu souffres moins aujourd'hui, si tu m'as quitté pour un autre, car il est déjà là, et soi-disant pour bâtir ta vie. L'amour, dis-tu, ne suffit pas, mais quel amour? Tu veux dire le désir? Et le désir est tout, partout, dans la loi humaine. C'est, en fait, de moins sentir cette angoisse. Entre nous, le feu a rompu le lien. Il nous faudra recommencer, nous sans nous. Pour moi, c'est cette peine, cette perte. Je t'aurais voulu jusqu'au bout. La dernière femme. Tu le savais. Tu sentais que jamais je ne t'appartiendrais. Peu à peu se brisait ce rêve d'un homme à toi. Le désir même. D'où, ensuite, le désir d'enfant, la plus profonde couche en la femme du rêve de possession, la mère. Tu n'as pas supporté. Je comprends. C'était trop tôt pour toi. C'était cette guerre. À qui s'en ira le premier? Toi la première. C'est plus dur pour celui qui reste, puisque je reste. Quoi d'autre à dire? Le feu gouverne, le feu seul. Oui, et vers toi, pour moi, en tout, le cœur me manque. 9 avril. J'ai dormi le jour, souvent, resté debout la nuit dans mon corps qui dort, oui, je connais intimement ces mots, j'y suis allé, dans l'épouvante bleuâtre des gazons après le soleil mort. Ces climats-là, de terreur sans rien, dans un vertige horizontal, ou des descentes précipitées dans des spirales de pierre, poursuivies par personne, et sous ces escaliers il y a des grottes, qui sont des gouffres, et au fond de ces gouffres, des puits de noir, où on ne respire plus. J'ai eu peur de la nuit, plus qu'un enfant. Là, pour la première fois depuis qu'elle n'est plus, des heures de conscience profonde, parmi le sommeil, sans penser d'elle, un repos, presque créateur, j'étais le lieu de la grande œuvre, celle qui n'aide pas, celle qui aime. Quand la puissance du don envahit le moindre. Le trou du cœur, un creux, un nœud, on a peur de dénouer, de tomber, derrière, le soupçon si serein que c'est la joie. Une fois, dans des braises finissantes, j'ai vu le cœur, transparente crypte d'or, rose. On y va, on suit, là où ça fait mal seulement. Un univers d'un centimètre, le souffle, on ne le quitte pas, si léger, si dense, pendant si longtemps. On monte, on descend, au nœud du mal, au creux du cœur, on est lui, il aime, et là, c'est peut-être la seule chose qui soit. Avril. C'est difficile. Combien se dit peu de ce qui se vit. Mais il faut peu, aussi, pour que se dise beaucoup. Un ton, une condensation, une façon que les mots trouvent ensemble de dire ce qui est hors d'eux. Tous les mots du monde, s'ils doivent parler, cherchent le poème, le cristal, cristal de neige, dit tout ce qui est hors de lui. Vois-tu, il y a cela, quand, dans le temps d'un désert, une voix où quelqu'un se quitte, quand le pas de ses mots n'est plus que le poids d'une flamme, dit « Maintenant, cela fleurit en pauvre lieu. » Avril au parc. Le vent souffle dans les feuilles. Toutes bougent, non seulement une, non seulement par le vent qui souffle, mais chacune est un vent pour l'autre. Tout cela est l'instant de l'arbre, et l'arbre est le mouvement. Et le vent, nul ne le voit. Avril. Elle, je ne sais pas. Je te tutoyais, et maintenant, c'est elle. Moi, tu ne m'as pas tué correctement. Je cavale toujours dans ma tête. Le coup de grâce, il est vrai, n'est pas de ton ressort. Elle était loin de ses ressources obscures, de son futur. Elle est allée jusqu'à ceci. 1. La lettre. Aucun homme ne t'égalera dans l'ouverture du cœur, la beauté et la profondeur des craquages offerts à l'autre. L'intensité vibrante de ton sexe et de ton corps me faisant l'amour, ni dans la vision, le discernement et le passage au oui en soi. Elle exagère. Non. Si. À côté de toi, tous paraîtront un peu fades, un peu mous, bien endormis, comme moi quand tu m'as rencontré, j'imagine. Ah ! Oui, la belle au bois dormant. Et peut-être ai-je envie de ça, besoin de ça. 2. Je t'attends au café des Ternes. 3. J'ai besoin de te parler. 4. Je vais te faire mal. 5. Je viens de coucher avec un autre homme. 6. Je n'en peux plus. 7. J'avais déjà couché avec un autre il y a 3 mois. 8. Je te quitte. 9. Pour toi, ça n'a pas suffi. En effet, la guillotine étant usée, je gigote encore comme une guêpe. J'attendais la hache, ce con-là, oui, encore, le sien. Elle aurait pu? Non. Elle pourrait maintenant? Non. À partir de là? Si. Plonge jusqu'à sa souffrance en moi. Parfois, choquée de peur et enragée, elle me disait: tu vois en moi mieux que moi-même. Ses yeux et ses mâchoires prenaient froid, elle durcissait un tremblement ou des larmes, et elle allait chier. En elle? Non. Je voyais les pensées opaques, les pans occultes qui montaient en moi, émergeaient du jeu de la relation. Je devenais conscient, averti de l'intelligence de cette mixité. Je sentais la loi, un émerveillement, des mises en scène mystérieuses. Tout couple assez intense, réuni par la vie dans un coin du temps, échange des pays profonds, communique subtilement où il ne le sait pas. La promiscuité a un certain point d'attention et de souffrance soufferte, dévoile les équivalences, les vases versés de soi en l'autre, de l'autre en soi, et cela ressort de l'universel. Sa souffrance, sa folie, la clé rouillée dans le feu de ma serrure. Il suffisait de la laisser crisser dans la torture du sang et les étincelles d'image. Ce que je voyais d'elle, parce que c'était nous, elle le portait, enfoui, recouvert, défendu pour longtemps, jusqu'à sa souffrance. Elle était la jeune fille taillée au bois d'Artémis, trempée au parfum froid et piquant de la sauge, la salvatrice perdue dans l'énigme de la lune noire, et plusieurs réapparitions, d'une enfant cheyenne, d'une bohémienne, d'une fleur fontaine d'aucun jardin, d'une femelle macaque se foutant du ciel aussi. Et, jadis, l'amante religieuse, condamnée par son père à la nymphomanie, se changeant le soir dans sa chambre en robe de soie bleue sombre, le dos entièrement fendu, un collier d'argent à la chienne, de perles ou de diamants enflammant ses seins, pour elle seule. Ce visage aujourd'hui, hier, de garce adolescente, demain, déjà, dans ce corps de femme délicieusement mûre, arpentant une fougère au cœur et la lave au ventre, les dédales cachés de son charme. Moi, ta souffrance, ce tort de te rêver d'être la sainte prostituée. Pourquoi, tandis que je hurlais de larmes, mon cœur, la nuit, cette image, une pierre enceinte d'un océan, volant en éclats sous une dynamite de lumière, ou maintenant que le désir tangue, se redresse dans une enveloppe vitale d'estropié, pourquoi ne survient-elle pas, naïve et brûlante, parée de son autre nom, Ornella, de ses instruments de ravage, pour enfoncer sa main liquide, le son doux et grave de sa voix, l'hypnose à demi nue du reflet de ses formes, le venin de sa langue, la sueur de son sexe, tout ce luxe adoré, un bijou bleu et noir, imbibé d'ambre et de fleurs vierges, jusqu'au fond du cri raide de mon thorax ouvert. Ta précocité, enfermée par ton père dans la chambre de honte, t'aurait rendu folle. Il fallait te sauver en succombant de te prendre, violer tes 17 ans déjà 100 fois violés, que le flot de ton pouvoir danse. Il fallait finir au bûcher, devant les juges absents, sous tes yeux atrocement muets, et accomplir moi-même, par tes mains, le meurtre de ton père. Reviens. Même dans la voix qui peine, monte, voit, répond, la constante supplique à la femme en moi, le constat, je ne t'ai jamais trouvé, je t'ai toujours perdu. Même investi de ta mission de guérir les hommes par le sexe, moi devenu le déchiqueté, le seul à souffrir entre tous, le commun des autres, prends-moi parmi la foule de ta flamme interdite, entre tes cuisses, où c'est à moi, ne m'oublie pas, je serai toujours d'où tu viens, d'un lit où ton plaisir ressuscite les morts, je ne demanderai pas, je glisserai, nu, à vif, au rubis de tes seins martyrisant mon ombre, possédé de vision, je le veux à m'ouvrir d'adoration et d'horreur. J'irai fondre en buvant la lumière de l'enfer, unie à ton orgie et me transparaissant. Je te montrerai une autre violence que tu ne comprendras pas. Elle ne peut pas. Elle n'est pas à ce point de souffrir la chose. La même, c'est la même. Ces images, parmi d'autres, étaient le bain de ma cervelle quand je la sentais, la scrutais, la baisais, avec ou sans elle. Des images du désir harponné par l'angoisse, cette substance du trou impensable de la solitude sans autre. J'ai navigué des nuits entières au bord du départ sans fin dans un espace sans rien, corps et esprit perdus, enfermés sans retour dans une sonde de métal, par exemple, sillonnant le néant laiteux, le non-abîme continuellement pareil, en image, le choc réel, au point d'accroche où je me trouve, m'aurait rendu fou, tué sur le coup. Mais ces images déjà me faisaient reculer. Elles triturent et torturent l'atmosphère de mon existence. Parvenu au seuil d'une brûlure interne, j'ai vécu, la plupart du temps, cette relation seule, sans partage. Je veux dire au même lieu du même. Je l'ai désirée seule et connue seule, sans cesser de penser à elle, de me la parler. N'est-il pas clair, moi, que tu es un couple? Avec elle ou sans elle ou n'importe laquelle, un couple unique qui se fornique. Ce temps de la rupture en témoigne. Jamais cette relation ne t'a autant hanté, précipité dans ton moulin, moi, dont la roue crisse autour du sol. Mais seul, c'est quoi? Dans une âme et un corps. Avril. À des moments, n'importe quel obstacle de la vie quotidienne révèle la rage du refus de vivre. L'image qui apparaît, émergeant du fond de furie, est instantanément, elle pénétrée par un autre homme. C'est à la tuer ou à se tuer. Elle, l'autre, à cette racine de l'attachement, comme image contact de l'impuissance à se déposséder. Mais je ne veux plus vivre, dormant, hurler, jouer, meurtre et mort. Je pourrais en noircir des livres, de cette encre de pieuvre qui gicle sous mon crâne. L'homme l'a fait. Pas à fond, mais des livres. Et l'homme est-il moins le suppôt du con? Et le con, à voir comme elle l'écarte sans s'ouvrir, pour ne pas se traîner esclave. Moi, mac et pute au milieu du ciel, bigorneau sur le roc bavant, par quel feu, attendant de pleurer les dernières larmes de mon humanité. À qui dire « Bienvenue au club ?» Et aussi, chaque fois qu'elle arrive, chaque fois que c'est vu, s'en servir comme signal, instantanément, du retour à la sensation. Je suis. Pied, cœur, souffle. Cette discipline de combat, comme le moine à son mur. Et puisque la pensée me pose comme équation ta cervelle égale image d'elle, la cèse simplifiée, tu parles, la vie, l'infini baroque, ne se pratique pas. Mais, donc, alors, pratiquer la vie fait partie de la vie ne se pratique pas, etc. C'est que sa pile face de con avec le trou du souffleur, pièce en pièce sur pour l'inconnu aux batteries de la voix royale. Avril. Les pensées d'un malade, d'un écorché particulier, délirante, il n'y a pourtant aucune différence entre la pensée. Lorsque tu penses en te rongeant la rate à « quoi que ce n'est pas », toute l'anxiété humaine, surtout, tout le temps, que t'agite et te tend les traits ou t'étouffe une quelconque trépidation, c'est un délire, pareil, en technidolore. C'est la pensée qui est malade, malade d'elle-même, du désir. Quand s'épuisent les images sociales du désir, sa surface courante, conventionnée, il vira son nerf, son vif, son pic, couple, te voici, paradoxe en quête de la sphère. Mais quelle est la démence qui gicle d'un serpent qui se mord la queue? Insensible à la danse épileptique du trou, ils penseront que tu as bien fait de partir. Au mieux, à chacun son chemin. Ils n'auront pas raison. Mais tu as bien fait de partir. Le chemin, la machine humaine, décortiquée à mort, vers l'homme, adagio du soleil. avril. Je reviens là, maintenant. Cette hantise. Une image d'elle que je prends pour elle, qui n'est pas elle, je le sais. Mais je ne vois pas pourquoi, comment, par quoi je tiens à cette image, au point d'en faire une entité, un château d'écume, un désert où je promène mon pacte avec toute la souffrance de ma vie. Je ne vois pas que. Je ne vois pas. J'y vais lentement. Elle est là. L'image. Celle, à chaque remémoration, qui paraît initiale. Et la première qui m'est marquée, en effet, dès le premier soir dans sa chambre. Soudain, au premier silence, face à face, elle était là. Debout. Droite. Immobile. Muette. Et je voyais ma fille. Intensément. De très loin. D'abord comme d'un lieu de moi, d'un centre du regard plus haut qu'elle, puis de plus bas, comme si j'étais à genoux. Et je suis tombé. J'ai fondu en larmes. Que ce soit le père ou l'enfant, c'est une icône que quelqu'un regarde. Une icône. Ce n'est pas seulement une image. C'est une musique. Sans note, évidente, la magie toute puissante d'une impression sans fond. Ce sans fond peut dire le mystère, l'insaisissable rien du mouvement de toute vie, en un sens invisible, la lumière. Il peut dire aussi la hantise, le charme, l'envoûtement d'un rêve. L'image est blême, grise, luminescente, ses yeux qui me regardent, petits, précis, ont quelque chose derrière. De noir et de noyé, une souffrance impuissante, inconsciente, et qui va, naïvement, se venger. Ses lèvres, la pulpe mince d'une petite vague aride, qui pour séduire appelle du rose ou de l'ambre. Les traits sont fins, dans le dessin d'une chèvre lune, qui fut ma tendresse à 10 ans lorsque j'étais berger, tristesse isolée du monde. C'est le visage d'une vierge éteinte, une douceur de dureté. Puis sous cette figure d'adolescente, le cou et les épaules soulignant cette finesse, la femme, le verger, le choc immédiatement érotique et chimique de ses seins merveilleusement mûrs, la promesse de l'Éden terrestre. J'ai navigué dans ce contraste, à bout portant quand je jouissais d'elle, ainsi qu'une torche dans le vent ivre, certain, d'avance, de mon holocauste, produisant, lucidement cette fois, mon drame à perpétuité, passionnément à la folie. Cette image est un ange de mort et d'un paradis sans accès, le même qui m'est apparu, dans le désastre de la rupture, étendu sur une table de restaurant, immense, en cendres, les ailes et les jambes brisées. L'image inversée en moi, ayant un moment perdu connaissance, de celle, simple son du réel, qu'une joie venait de m'offrir. Pendant que tu te parles, il y a un aigle dans le ciel bleu. Il plane. Elle, cette image, la musique de mon église de mendiant, du monde sans teinte de mon enfance. Le trajet de murs éternels entre la maison et l'école, la maladie par la fenêtre dans les éthers d'hôpital, toute cette vie exsangue comme ma peau, et l'attente jusqu'à l'asphyxie du seul élément féminin, rêve solaire, ma mère. Elle, m'immoler à la mer rêvée dans le néant du père et l'ennui du monde. Je regrette, je ne regrette rien, je pleure. Ce qui me tient à cette image, crue réelle par identité de toujours, c'est l'ange en moi de la vie déchue, le frère noir de Nathanaël. Les larmes pissent le sang maintenant. Merci à toi qui n'es pas elle. Je te dois tant, toi qui fus toujours l'étrangère. Mais voir, c'est par le feu, en silence. Frère noir, j'ai écrit et il me faut encore écrire. Quelque chose pourtant a changé, en allant jusqu'à toi, qui n'est devenu manifeste que par ces larmes qui pissent le sang. Non dans ce qu'on peut lire, une maigreur, impuissante à montrer, mais je ne cherchais pas à montrer, je traquais un choc en mon cœur, cela me suffit, cela déjà est ce qui a changé. Aussi, j'entends, et c'est précieux, qu'il y a encore beaucoup de toi dans ce qui s'écrit, un vibrato de torture sombre, de plaisir glauque dans l'air de mes mots. Écrire est un refrain sur la mélodie de ton règne. Nous faisons connaissance, n'est-ce pas? Et l'éclair de mon front pourrait te trancher, mais il ne fendrait que le vague de ma compréhension, aussi clair peut-être que vaine. Ce sabre serait drôle, à raser l'espace où tu ne pousses aucun soupir. Tu es là, tu es celui par lequel c'est encore à elle que je parle. J'ai écrit, j'écris en elle qui me lit, sous une cloche de coton, dans la forteresse de ton ombre. Je remets à plus tard, autant qu'il faut pour te pénétrer, m'oublier, à la foudre d'un autre sens, à je ne sais quel ni comment, la goutte première sur ton empire du ciel bleu universel, ou quoi? Tu es fait de mon corps malade, un morceau avec lequel je suis venu, mort-né. Peut-être es-tu au fond la peur qu'a le corps humain de mourir. Alors tu serais la trame du voyage. J'ai reçu ce soir, en une cataracte, le premier faisceau d'étincelles de ton histoire profonde, cela que je ne peux pas dire, qui circulait sur plusieurs plans, les embrassait non comme un tout mais par l'ampleur, le jeu lent et ultra-rapide, invraisemblable, de la circulation, pour une vision simple, à peu près ainsi qu'un dessin d'enfant, que nul trait ne peut arrêter. Cela reliait ma naissance brisée, la perte de ce corps, d'elle, tel que le désir se l'image, l'appel à la décollation de la sensation corps, la mort à venir ici du corps de la terre jamais née, et des phrases précises en ressac, en rythme de mer pluriel, mouvementation de la parole. Et je demande pardon à mon frère le corps. C'est l'essence, c'est la forme, le verbe a pleuré quand le corps est mort. Quand le corps est mort, le verbe a pleuré. Onze septembre. Petite fleur, que la vie, alors que nous sommes séparés depuis 7 mois, nous place à un instant où 5 millions de personnes prennent le métro en même temps, dans le même wagon bondé, à 3 mètres l'un de l'autre, fut pour moi le choc de son grand mystère. J'ai pleuré longuement dehors sur un banc devant cette précision incompréhensible, cette perfection à l'œuvre sans cesse, qui parfois nous fait signe et que personne ne saisira jamais. Quelque chose nous vit, toutes et tous, à notre insu, qui dépasse de toutes parts les idées et les intelligences, quelque chose, oui, d'impensable. Cela même, maintenant, qui creuse pour toujours le centre de mon cœur et me fait, peu à peu, mourir d'amour. je ne peux plus dire ce que j'éprouve, dans le cœur, chaque matin, immobile dans mon lit, depuis quelque temps. Cette expérience est hors des références humaines et de ma propre compréhension. J'ai su, ces derniers mois, dans mon isolement si profond, qu'on pouvait mourir de chagrin. Aujourd'hui, bien que la douleur continue, que ma blessure d'homme, révélée à nu, soit loin d'être traversée, je me laisse emporter par la grande larme de lumière, sans retour. Cela, simplement dit, non pour me raconter, mais pour que tu entendes, un peu, d'où je réponds à ta question, si je crois que notre amour peut reprendre dans ta nouvelle vie. Je t'ai déjà tant parlé, à ne plus savoir quoi dire. Je ne veux pas revenir sur ce que je t'ai dit durant toutes ces années, ni sur l'amant que tu as pris au printemps pour ne pas souffrir. J'ai dû vivre par l'humiliation et la négation, la lente dépossession de toi, perdre le père passionné de sa fille. C'est beaucoup. C'est unique dans mon existence. J'ai consenti, je consens toujours à ce que Florence, cette énigme qui a surgi dans chaque repli de mon désir, bouleverse de longs moments mes jours et mes nuits. Je ne refuse rien, en moi, de ce qu'elle agit de si loin. Elle est une part précieuse du secret de mon voyage, et je m'y donne, sans elle maintenant. Maintenant, sans projection sur mon avenir, mais maintenant, là, je ne peux plus reprendre aucune vie avec aucune femme. Je suis tout entier plongé dans la perte continue de toi et l'arrivée en moi d'autre chose, sans autre. Quand je pleure maintenant, c'est dans le choc de trois courants de larmes, la peine liée à Florence. Dans la faille de cette peine, l'inconsolé départ du monde et de la femme. Dans la faille de cette faille, la sensation naissante du sans-nom, sans visage. Que ferais-tu avec un tel homme? Ce saut dans la solitude, auquel, à travers toi, le réel la contraint, a attisé le feu qui l'habite. Sa souffrance est plus grande et son cœur est plus doux, mais d'une douceur, parfois, si ardente. Et toi, n'est-ce pas? La vie t'appelle à d'autres parcours, pour mûrir, car au fond, nul ne vit pour ce qu'il croit, mais pour mûrir. Quelles que seront les données extérieures ou visibles de ta vie, travail, mariage, enfant, créativité, tout ce que tu veux, cela ne sera là que comme mise en jeu d'un mûrir, et mûrir n'est pas non plus ce qu'on croit, mûrir est un secret qui nous veut, éperdument. Je fais partie de ton mûrir, depuis longtemps et pour longtemps peut-être. Nathanaël en toi est un signe du secret. Cela, je ne le dis plus par pouvoir, mais par reconnaissance intime. Que Nathanaël manque à ton cœur. Oui. Écrire une dernière fois comme on ne peut plus écrire. Il y a des mots qui sont tombés. Le monde est le regard de l'âme. C'est si juste, à l'heure où quelqu'un l'éprouve. Mais c'est seulement pour ce quelqu'un. Les autres, ces mots leur parlent du dehors, ne leur parlent pas. Ou bien ils savent. Ou c'est rêverie. Savoir, rêver, n'est pas parler. Quelqu'un se tait, n'insiste pas. Attends l'heure que ces mots s'entendent pour quelqu'un d'autre, quand il aura fait le chemin, où il redit seulement ces mots, parfois, le monde n'est rien que le regard de l'âme, ou d'autres qui sont les mêmes, des mots qui nous attendent, inaudibles. C'est peut-être sagesse, mais c'est pauvre. Cela restreint d'autres ressources, cela prive que cela suffise. Arrêté là-bas, quelque part, le cœur d'une lumière qui veille, mais qui dort. Écrire commence ici. Écrire est au futur, au secret de ce cœur, écrire une première fois comme on ne sait pas écrire. Les mots tombent, l'amour. L'amour, n'est-ce pas? Une certaine façon de toucher, de regarder, quoi que ce soit. Ce vieillard enfant, décharné, debout, nu, dans la blancheur de mort d'un asile, qui a néanti ses bourreaux. C'est le Christ en nous, ses bourreaux. Il l'a vu dans un tel éclair, montré si exactement. Il n'y a pas de regard d'amour. L'œil est amour. L'œil. Il tombe, les mots détachés de la vie. La vie, les idées, mais aussi les choses. Écrire est autrement, ailleurs. Écrire est autre. Écrire comme j'écris ici n'est pas écrire. Pourtant, pauvreté d'écrire qui s'annonce, non se cherche, non s'écoute, non. Dans la ruine du pauvre d'en haut, si riche, mais de soi seul, devenu inutile à soi, est un feu qu'on ne saisit pas, un feu qui serait partout sans jamais nous parler de lui. Le poème, hors de toute forme de poème. Écrire, l'autre façon, venant au-devant de nous, la crue du don, son action, accélération du réveil, un son du cœur créant le cœur irriguant tout, écrire, vers une première fois, la forme. Tous les mots vont tomber. Seul, je ne crois plus, je n'attends plus, n'ai plus besoin, c'est vu, je se masturbe, jusqu'à la fin de l'homme, je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Tu souffres encore, tu meurs encore, tu désires aimer, encore. Seul, l'amour est seul. L'amour, la neige perpétuelle, le poème, presque. La patate, cantate, partition à trois voix, les voix séparées donneraient, après coup, première voix, prélude, avant écriture, à l'envers d'écrire, abstraction cadavre, moi, vos mots ne disent à ne rien voir que fumée, fiction de vous pour toujours. Il n'y a pas, par exemple, pour aller vous chercher dans tes retranchements du plus pur espoir, il n'y a pas de don. Personne ni rien ne donne, ni un cela, ni le don. Ôtez les qualifiants, les disqualifiés de « vous avez un mot ?» Continuez à nourrir connaissance, connaissance, garde-manger de peur, entre de mort mâchée jusqu'à l'épuisement des mots, mots vides s'appartenant sans fin, ruines des ruines amassées en l'homme, écrire, penser, tuer le temps, torture le sang, le souffle, cantate, cette cantate, sillon qui s'use, s'use-t-il ? Questionner, congestionner, écrire, se laisser cuire, couler, casser, mais quoi ? Les noms posent, les verbes causent, le reste dose, écrire, foire à fatigue, mais foire, est-il un mot pour dire ce qu'on ne peut pas voir ? Transparent. Est-il une image vue qu'on ne pourrait pas dire ? Dieu, beauté, le salut. Abandonner les rives des opiums affaissés du palais de la langue, sacré massacre d'une autre annonce, d'un autre son. Écoutez, parle, mais quoi, à qui, avec qui ? Toujours décrire, écrire, parcourir, rentrer, abolir, imploser d'angoisse, et derrière, crève mort, crève misère, crève cœur la joie, écrire, ekbole, psalim, oslom. Deuxième voix, pose ta patate, quel est ton problème ? Je souffre, rien d'autre, nul ne peut rien pour moi, et pose ta patate, je ne peux rien pour moi-même. Parvenu là, et quoi maintenant, et comment ? La question, de Dieu, de l'être à la vérité, ne se pose plus. Toute la question, ni Dieu, ni mort. Seulement, je sens venir un homme fini. Je souffre. Pas de deux. Je souffre. Aie ma patate. Pourri. Technique pour ne plus souffrir. Je qui est je qui pose la question. Je ne peux même pas poser mon problème. Je sa patate condamnée au conditionnement à mourir. De grâce. Seul inconnu. Incliné à ravir. Sur quel cœur. Au son mat soudain. Mais là. De clochard asphyxié. Et en l'ombre foudroyé voyant. Pensée. Aller-retour. De flamme. De la patate. S'épluche-t-elle? Qui demande? L'éplucheur? L'épluché? L'épluchure? Ou plutôt, un saut quantique? Qui répond? Or, un saut quantique. Rien ne peut arriver, patate. Tu ne peux pas et tu ne peux pas ne pas pouvoir. Alors fin? De, tu ne peux pas finir. Me rendre? Oui. Je peux dire oui? Oui. Mais oui n'est pas dire oui. Ni question ni réponse, sans dialogue. Le seul dialogue, parvenir à ceci que le dialogue est impossible. Le don, un. Concept du deux. Couple, se donne quittant quitter. Mais nul ne quitte. Le don se donne se retirant. Tsim tsum. Mais c'en est fait, non? C'est tout autre. Troisième voix. Vent plat. Nuit mauve éteint le monde. Moi, assis, à table, attente, sous la lampe vomie. De rire, de douleur, l'impuissance, la peur, le blanc d'œil, retour au rêve. Il vient de m'arriver l'image de la princesse. Pan du passé, pan mort. Non, mais le son, sensible au feu des flaques, ce soir, par le passage violent des visions sous la pluie. Ce pourrait être un songe au milieu des poubelles, le cri d'un homme ruiné à la hauteur d'un chien, le dire de l'if, solitude, béatitude, à Saint-François du désert, Venise, le son, teinté autrement, à contresens, glauque. La déesse aux yeux glauques, sagesse, gardienne d'Athènes, moins qu'une idée lointaine pourtant, cette princesse, un incarnat de rose aux saisons de Finlande, un port de Rennes, posé contre le cul sculpté, arrondi en amphore, blond, de la lampe au-dessus, inondation calme. Et l'éclat si clair des cheveux, des yeux, est contemplé, la princesse, et pensée de la main, va et vient, plus bas, sous la table, sûrement, sans limite, vacillement. Où va l'ivresse avant la nuit? Sans hâte, vers l'échancrure, laquelle, sa robe si loin, loin de son cou, de ses genoux, sa robe, et rien d'autre. Sa robe recouvre à peine, teinte et cri d'anémone, à peine plus que son ventre. La fée cherchée depuis l'enfant, sourire, ce sourire. Mélancolie souveraine et terrestre d'un ange. Élan, dans sa pose arrogante, de la poupée crotale, mais le tout, l'impression, est un fruit intouchable pour un fou. La fille d'un loup et d'une biche blanche, Gengis Khan, rêveur, même en héros, tu marches sur un parfum d'épouvante. Nécessaire de s'y enfoncer, par le feu, dans le temps, il n'y a rien entre les hommes. La princesse, après la mère, tes femmes, toutes fondues, au trou. Ressort du trou, un mot, une image, le couple profond du timbre, l'heure identique à rien, sans chair, cette fois, sur un carreau de papier froid, mutique, la princesse étincelle, toutes tes fantômes changés en le même bijou supérieur. La patate cantate est une tentative de casse-tête, de casse-croûte et de musique de chambre composée par une insomnie. Alphabet du désert. Je viens, je reviens, je reste un peu comme ça. C'est beaucoup. Si tu t'arrêtais, toi aussi, tu sentirais. Mais tu suis ton cours. J'évite en la murmurant la voix inutile. Arrête-toi. Tu n'entends pas. Tu ne comprends pas. Pourtant, mot à mot, je gagne quelques pas sur le monde. Ton visage perdu. Sans t'empêcher, sans te distraire. Je reviens où je suis toujours. Maintenant, derrière tout. Je tisse un soir autour de toi. Les îles sont le fruit d'un soir. Non, ne crois pas, pas de rêverie, j'écoute ce qu'il faut tracer et comment. Je te rapproche, je ne saurais pas. La nuit de ton étreinte t'appartient. Je vois se refermer l'étoile de mes doigts nus. Je la porte à ma bouche. Maintenant je peux te dire, cet homme n'est qu'une blessure. Comment parler? Parler sans paysage, sans idée, jusqu'au sanglot. C'est une peine qui hante la poitrine, qui danse quand on ne se plaint plus. Mais ce n'est pas danser, c'est partir. C'est le premier mouvement quand fonte une vie gelée. Et on tombe, tombé, un peu plus haut, à toute heure du jour, d'un peu plus bas, dans une lumière meurtrie. Je suis celui qu'on peut quitter, que tout peut quitter. Je ne le savais pas avant elle. Puis c'est la fin, très loin, dès que je laisse. L'heure du gisant devient la seule. Ce n'est qu'une note, c'est humide. Je longerai aveugle les parois de la plaie, la langue s'avançant là, celle de l'enfant. Ce n'est plus la fièvre qui fouillait la femme. J'ai perdu beaucoup déjà, la vie des autres. Cela rêve encore à mourir, ce qui est déjà mort. Il a marché des mois, presque sans tête, un pieu invisible au creux, où bat le sang. La mine était taillée à même la douleur. Il n'a pas tenté contre soi, fut écrasé. Il a suivi, le filon l'a bu. Pourquoi? Pourquoi lui? A étouffé de peine. Longtemps après l'adieu, longtemps après longtemps. Quand un homme, la nuit, dans son lit, croit que l'avenir est un martyr, alors, chaque nuit plus près, à l'envers de l'avenir qu'on croit, qui efface la faille de mère, de femme. Il a 3 ans. Béance du mot amour sur la terre. Il est l'homme. Tu dis qu'il y a les hommes. Non, mais l'espace, le cri, ce cri-là, ne se réfléchit pas. Une page, il restera toujours une blanche. Et puis, je viens, je reviens. L'homme du manège aux animaux, sans les couleurs, les miroirs, le révolté sonne en surface, si vos regards s'ennuient, le carillon. Il a marché dans un orage, pour une goutte de pluie, une goutte répétée de pluie au point de la même pierre, cette ligne, le fil d'un son, par fatigue aussi, mais une fatigue du fond des temps. Amenez-la à pas d'oiseau, bégayant par frissons, dans la folie de rage, la peur, dans la lenteur d'arbres brisés. Tu m'avais dit, toi, compagnon, nous avons eu trop mal pour encore faire mal. Pourtant, l'homme. C'est pourquoi je ne t'ai pas nommé, toi non plus, sauf on ne sait où, mon frère d'étoile. Il a marché dans l'impossible. Je suis. J'échange les racines de l'encre. L'ortie, la gentiane, c'est le répit. Non, mais l'agonie d'un accouchement, loin, depuis l'écrin de la mer morte, le désert. Lui se vit et se voit d'ailleurs, du corps d'un soleil orange. Mais c'est lui. Je suis. L'homme du kiosque à toute heure est malade de colère, l'hystérie des femmes, sous la soie et les cils. Il répond, non, si vous saviez la colère. Il crache, il arrache, il est, vous diriez, taré. Il ressasse sans cesse son horreur. Face à vous, il est d'avant l'insulte, d'après la méchanceté, et vous n'êtes plus vous. S'apostrophant ainsi devant mon orphelin, c'est ça, donne son programme à ce machin. Maintenant, avec la perte, après la relance de haine, je lui fais signe quand on se croise. Je lis les feuilles de l'analphabète, je m'apprivoise, et l'autre aussi le clochard de l'aube. Mais douce, douce, où es-tu? Humaine? Oui, jusqu'au sanglot. N'avance plus, ce n'est plus la peine. Rentre chez toi, D'un coup, je n'ai plus su où était chez moi. Il n'y a qu'une crevasse pour entendre ça. Mais je passe. On succombe si vite aux sentences. Je passe aussi. À moi, mémoire, l'abattoir. Un soir d'amande et de couronne. Un déversement de puissance, puis sursaut. Son premier élan par surprise. J'ouvre la porte. Je me retrouve devant la lettre, l'obscure pensée de tout, le meurtre à mon image. Une figure de cire aux yeux ronds, puis l'électrocution. Après, c'est entre les dents que ça sonne, le long des membres, et ça rentre. Warm fucht und schwarz. Le fœtus n'est jamais sorti de ce sifflement de torture. Rupture, crois-tu? Mensonge d'osmose. Chaque nuit maintenant de plus en plus mal, et la nuit vient, la nuit revient, ce premier ventre, warm fucht und schwarz, chaud, moite et noir, au pli des draps, des phrases, au creux des côtes, dos d'embryon dans une crispation de carton, et la rivière, un bruit de braise, laisse-moi, laisse-moi. Mais cette fois je me suis battu. La peur, je vous parlais. Je songe à lui, de nouveau, le cristal de ma fièvre. Non pour lui, passé dans un autre état, un état qui ne s'entend pas. Ah, mon ami, ces deux premières heures, un soir, où rien ne s'était passé. Hein, comment ça va? Sans réponse, le silence devant les saisons. Ce que j'ai cru, mon défi perdu, et vous aviez mangé un fruit. C'est ça. De ma prison parfois vibrent les murs sans faille. C'est la prison toujours, mais ça vibre. C'est à ce moment-là que je suis. Si clair, toute la cascade est sans substance. Un acrobate de l'abandon. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux vous boire, mais cuire, à bout d'axiome, cuire est la seule affaire du passager humain. Ce ne sera peut-être pas long, parce que ça peut durer toujours. La magie, les images, mots animés, mes animaux. Le chapiteau est plein d'images. Elle rebondit perdue dans l'éclair de vos mains, perdue pour moi, à coup de boule, comme un bélier. J'ai brisé son sacrum pour qu'elle ne puisse plus jouir, plus servir. Je coule de toutes ses larmes, l'heure venue où elle vous verra. Lui, jamais je ne me reconnais. A volé de nouveau devant mes yeux de vieux, et rit. Rit dans ce front détruit, rit dans la nuque de fonte, rit aux éclats limpides dans ma gorge étranglée. Je suis tombé, après la nuit, quand l'aube a éteint les lampes. D'éclosion du tympan central. Tueuse m'a martelé. J'ai marché dans les ruines, te tenant dans mes bras, avec une douceur de feuillage. Là, venir, le feu du son. C'est un délice, ce pressentiment. Mais le saut. Encore comment? Entre les trapèzes, c'est sans commentaire. Quand même la note m'est retirée, oui. Le verbe « oui » ne s'apprend pas, s'impose, aux limites du souffrir, ne se conjugue, n'appartient pas au mode du temps, nos postures, au singulier pluriel de la personne, nos états, pas même ne se prononce, notre aspiration, ne se bégaye, poète en désespoir de parole, ni muettement d'extase, sainte au désert de toi. Tel moment qui porte trop loin, dans une nuit trop vaste, sans après, une nuit sur soi qui n'est plus d'ici. Oui, au-delà de notre possible, un an de ça du consentir, quelque chose d'entendu, d'avance, d'oublier, quelque rien, maintes fois je me suis couché pour mourir. Oui, mourait dans ma volonté. Veillais nu sans contact, je gardais les habits du manque, je sillonnais vers l'annulé, au désert du sourire. J'errais, sentinelle du château aux mâchoires de pierre. Ce n'était pas la trempe, la volée de coups d'un orage dans la chimie du cœur, le bain glacial du sang, le retour perdu, l'adieu, bas, plus bas, la pluie, le bruit plie, elle se brise, il se perd, il n'y a pas, elle n'y peut rien. Ce n'était pas l'oubli de la pensée que, oui, serait toujours la clé. Ce n'était pas la nuit, maintenant, qui tombe sur un tapis de tête morte. Et là, ce ne fut jamais oui, qui ne connaît pas sa lumière, sa voix. Il n'y a que oui.